Le miracle du fakir par Louis Bousnard. Chapitre 1er. Une clairière. J'échappe enfin à l'énervante obsession du clair-obscur qui enveloppe d'une ombre lourde les troncs des colosses de la forêt vierge, pèse sur moi depuis des jours comme l'impalpable muraille d'une prison sans fin et me fait soupirer après l'invisible soleil, obstinément caché par l'impénétrable feuillage de la vieille futaie primitive. Je trouve un reste de vigueur pour fuir cette atmosphère saturée d'une humidité malsaine, ce sol pétri de séculaires détritus, d'où s'exhale un fade relent de moisissures et couvert çà et là de mousses visqueuses sous lesquelles s'agite et clapote un monde répugnant d'insectes et de reptiles. Et me voici, presque sans transition, ébloui, transfiguré par la soudaine irruption d'un jour aveuglant. C'est fini de la morne solitude, avec ses périls sournois, ses embûches insoupçonnées, qui menacent le plus expérimenté, comme aussi ses angoisses qui étreignent le plus brave. La clairière. C'est au milieu de la lugubre forêt, l'oasis où la fée des fleurs a répandu, avec une folle profusion, les splendeurs de son écrin. C'est l'opulent parterre équinoxial d'où surgissent, avec une vigueur désordonnée, les hibiscus, les ixoras, les népenthès, les brassias, les coriantes, coupes embaumées, où les oiseaux-mouches viennent s'enivrer d'un nectar capiteux et subtil. C'est le lieu d'élection de ces splendides orchidées, filles aimées du soleil, qui escaladent les arbres géants, se blottissent à leurs aisselles, s'incrustent à leur substance, se gorgent de leur suc et s'épanouissent là-haut en une telle exubérance de corolles, de feuillages et de couleurs que le voyageur extasié voudrait crier son admiration. C'est la volière sans limite où flamboie l'ara, où gémit le tocro, où bavarde le toucan, où bourdonne le colibri, où grimace et cabriole ce maître acrobate dénommé Sapajou. Les cinq hommes qui m'accompagnent et portent mon modeste bagage d'explorateur s'arrêtent courbaturés, trempés de sueur, insensibles à la vue de ces merveilles et m'interrogeant du regard. « Nous camperons ici, » leur dis-je en manière de réponse. « Dressez le carbet, accrochez les hamacs, préparez le dîner. » À cet ordre impatiemment attendu, mes deux couliens doux, Samy et Gros-Odo, mes deux noirs Cayennais, Morgan et Daniel, tous, à l'exception de mon cuisinier, le chinois Li, l'indécrottable paresseux, déploie une activité merveilleuse. Si mes provisions sont à peu près épuisées, si le harnois de gueule fait, hélas, le plus souvent défaut, je possède encore, vestige d'une éphémère splendeur, un cuisinier, réduit à accommoder les victuailles de rencontre, apparaissant de loin en loin sous l'aspect d'un iguane, d'une tortue, d'un lézard caïman, d'un serpent et plus rarement d'un gibier. Aujourd'hui, c'est jour de disette, car il me reste à peine quelques poignées de manioc avariées. Li me regarde impassiblement de ses yeux bridés, trouant obliquement sa face camuse de magot, et faute de mieux, s'apprête à dîner d'une pipe d'opium, pendant que ses compagnons sabrent, à tour de bras, les tiges qui formeront le carbet. En bon asiatique, Li a horreur du cumul et s'en tient résolument à sa sinécure. Pour un empire, fût-ce l'empire du milieu, il ne couperait pas une brindille, sinon pour alimenter le feu de sa cuisine en plein air. Et je me dépite en songeant à la fringale qui va s'asseoir encore à ma table, quand des jacassements effarés retentissent au-dessus de nous. Un vol de caciques, jaunes comme de l'or, s'agite là-haut, en proie à une panique rageuse et bien naturelle. Un grand singe noir escalade, avec la cauteleuse prudence d'un larron, les menues branches d'un acajou, à l'extrémité desquelles pendent, comme des lustres, une centaine de nids, accrochés à plus de 60 mètres de hauteur. Malgré les risques d'une tentative aussi périlleuse, étant donné la ténuité des ramis, le singe, poussé par la gourmandise, manifeste l'intention de dévaliser les nids et de s'offrir une omelette monstre. D'où protestation indignée des loriots, qui, revenus de leur émoi, se ruent intrépidement à grands coups de bec sur le pillard. C'est à moi d'intervenir, moins encore, je l'avoue, par sympathie pour les gracieux oiseaux, que dans l'intérêt de mon garde-manger. Li esquisse un vague sourire en me voyant armer ma petite carabine Waterly et ajuster le quadrumane avec autant de soin que si ma vie dépendait de ce coup de feu. La détonation retentit toute sèche, toute grêle dans l'air surchauffé. Le macaque, frappé en pleine poitrine, lâche la branche, pousse un grognement et vient, en tournoyant, s'aplatir à 20 pas de nous. 10 kilogrammes de chair fraîche, quelle aubaine pour des affamés. Cet exploit accompli, notre subsistance assurée pour 2 jours, je m'allonge dans mon hamac et je fume, en rêvassant, jusqu'à ce que l'y ait élaboré le ragoût de fantaisie que le hasard, cette providence du voyageur, a bien voulu m'octroyer. Nous avons, ma foi, très bien dîné. L'y s'est surpassé, c'est-à-dire que, à défaut de sel, de poivre, de saindoux, il a libéralement employé le seul condiment qui me reste, le piment de Cayenne. Ma bouche s'en ressent. Il est près de 9 heures, et nul ne songe à dormir. À pareil moment, mon petit clan est d'ordinaire plongé dans le sommeil, mais ce soir, avec une chaleur plus suffocante que jamais, et sans doute grâce à un énorme dégagement d'électricité accompagné d'une brusque variation barométrique, nous sommes énervés comme des chats sentant venir l'orage, et nos paupières demeurent invariablement ouvertes. Tous les bruits de la forêt m'arrivent avec une intensité qui augmente mon malaise, m'agace de plus en plus, m'exaspère bientôt et me livre, victime passive mais non résignée, à l'implacable insomnie. Mes tempes battent, mes oreilles bourdonnent, et je m'agite sur ma couche, maudissant l'effroyable cacophonie expectorée par un singe hurleur, se balançant la tête en bas, accroché par la queue, à la cime d'un arbre à caoutchouc. Le miaulement d'un jaguar en chasse, l'imperceptible froissement produit par les envolées soudaines et le retour furtif des chauves-souris vampires en quête de curée chaude, tout enfin jusqu'au glissement des reptiles sous les herbes, jusqu'au grignotement des insectes rongeant les graminées de leurs mandibules infatigables. Mon malaise va croissant, jusqu'à se compliquer de cette fièvre consécutive là-bas au déploiement exagéré de force. Et je sens peser par instants sur moi le regard noir de Samy, l'hindou, étonné de mon mutisme, car je cause volontiers chaque soir avec lui. Il sait un tas de choses, a visité je ne sais plus combien de pays, connaît à fond l'Inde, sa patrie, les colonies anglaises, les Antilles, notre Indochine, les grandes îles du Pacifique, bref, un voyageur endurci dont la conversation pleine d'imprévus m'intéresse toujours et dont les aperçus originaux ont souvent enrichi mon carnet de notes. Je laisse échapper un bâillement et j'allume une 10e cigarette. « Tu voudrais bien dormir, n'est-ce pas, maître ?» dit tout à coup l'hindou, dont la voix rauque est un peu hésitante. « Tu sais, je commande le sommeil, et si tu le désires, serais-tu magnétiseur ?»« Oh, magnétiseur » répond-il dédaigneusement. « On prétend que les fakirs de ton pays sont doués de facultés étonnantes. Serais-tu fakir ? Peut-être. » J'avais vaguement soupçonné mon serviteur d'être un de ces agents sans mandat bien défini, du moins pour nous autres Européens, et tel qu'on envoie, sur les lieux d'immigration ou même de transportation, certaines sociétés secrètes hindoues, arabes ou chinoises. Ils visitent leurs coreligionnaires, leur apportent des nouvelles de la caste ou de la famille, des consolations, des secours médicaux, et deviennent au retour leurs messagers incorruptibles. Mais la pensée ne m'était jamais venue que Samy pût être un de ces redoutables sectaires initiés par les brahmanes, dont ils ont reçu un pouvoir étrange, presque surnaturel. Du reste, il n'a rien du fakir légendaire que l'on se représente volontiers comme une sorte d'ascète émacié par le jeûne, aux traits anguleux, au regard sombre. Mon coulis est un beau grand garçon d'une 30aine d'années, agile, bien découplé, aux attaches délicates, aux extrémités superbes. Une irréprochable statue de Bacchus indien. De caractère enjoué, il trouve à l'occasion le mot pour rire. Très éclectique en fait d'alimentation, il mange sans préjugés mes conserves américaines, s'enivre quand il se trouve à portée de ma provision de tafia, et ne craint pas de se souiller en graissant mes bottes avec l'impur saindoux. Lui, un fakir, allons donc. Et cette supposition me semble si extravagante que je laisse échapper un éclat de rire. Sans se démonter, Samy riposte, très calme. « Tu ne peux pas t'endormir. Je t'offre le sommeil. Et tu ris en te moquant de moi. Pourquoi ?»« Parce que ta proposition est insensée. Qu'en sais-tu ? Des preuves, alors. Tu es le Saïb. Ordonne. » « Oh, contradiction humaine !» Me voici au moment d'assister à une expérience curieuse, de remplacer peut-être mon agitation par un sommeil réparateur, ou tout au moins de confondre un mauvais plaisant. Et j'hésite. Samy se méprenant au motif de mon silence, Écoute, dit-il en me mettant d'emblée au pied du mur, endormir un homme est une simple niaiserie, et je puis faire beaucoup mieux. Tiens, par exemple, ton bras est plus vigoureux que celui d'aucun de nous. Veux-tu que, sans te toucher et par la seule force de ma volonté, je le fasse pour un instant mourir à ton côté? Veux-tu que je paralyse le mécanisme de ton fusil, de façon à t'empêcher absolument de l'armer? Veux-tu encore? Eh bien, dis-je en l'interrompant, insensibilise mon bras. Je saute à ces mots de mon hamac, et je me campe d'aplomb sur mes pieds, en enflammant une allumette bougie pour allumer ma cigarette. Samy, sans quitter sa position accroupie, darde sur moi un regard aigu, lumineux comme une coulée de phosphore. Je ne sens plus entre mes doigts l'allumette, elle m'échappe, tombe sur le sol, émet un long jet de flamme qui monte, rigide à plus de 2 mètres, puis s'éteint brusquement. Et soudain, mon bras, encore élevé en demi-flexion jusqu'à mon visage, retombe à mon côté, comme foudroyé par une paralysie instantanée. Stupéfait, ne sachant que penser, je vais agiter ma main, remuer mes doigts, plier l'articulation du coude et triompher à tout prix de cette inertie. De ma main gauche, demeurée active, je me pince jusqu'au sang, vains efforts. Le membre tout entier reste immobile, aussi lourd que du plomb. La peau elle-même est complètement indolente. Ne voulant pas m'avouer vaincu, croyant à un engourdissement passager occasionné par une fausse position, je fais appel à toute ma vigueur, à toute mon énergie. Je frictionne mon bras, je le gratte avec mes ongles, et de guerre lasse, je me fais suppléer par Morgan qui frotte à enlever le morceau. Tout est inutile. « Eh bien, maître, qu'en penses-tu ? » reprend Samy, toujours immobile et sans me quitter des yeux. « Je pense que c'est une mauvaise farce. Voyons, suis-je manchot réellement ? Suis-je éveillé ? Suis-je endormi ? Suis-je en proie au cauchemar ? » Et j'ajoute, apercevant mon revolver glissé de ma poche sur le hamac, un coup de revolver tire en l'air va rompre le charme. Essaye de faire feu, riposta Samy, pendant que je tente, avec ma main gauche, d'armer le New Colt. Impossible, sacrebleu! Le mécanisme est-il détraqué? Samy a-t-il paralysé, hypnotisé, mis hors d'usage, par je ne sais quel artifice, cette excellente arme, fonctionnant encore admirablement tout à l'heure? Ma foi, je ne sais plus que penser. Mes noirs épouvantés s'éloignent avec terreur de l'hindou que son compatriote Grodo n'ose plus regarder. J'entends Morgan, un colosse de 6 pieds, gémir plaintivement. « Ah, mouché, nous qu'est allé, sa moula, c'était une gab, une piaille. Sauvons-nous, monsieur, cet homme-là est un diable, un sorcier. » L'autre nègre, Daniel, claque des dents et cache sa tête dans ses mains. Samy reprend tout bas cette fois. « Maître, es-tu convaincu ?» Je suis stupéfait, très ennuyé, rien de plus. Veux-tu remettre le revolver dans ta poche? C'est fait. Veux-tu reprendre l'usage de ton bras droit? Avec plaisir. Qu'il en soit comme tu le désires. Maintenant, allume une allumette, et sa flamme ne jaillira plus comme tout à l'heure. Fais mouvoir ton bras, et il sera fort comme jadis. Arme ton revolver, et tu verras qu'il fonctionne toujours. C'est par Dieu vrai. Les prévisions du coulis se réalisent instantanément. Ce cauchemar d'un homme éveillé prend fin à sa parole, et me voici de réchette dans son hamac, fumant, causant, me balançant, et jouissant, me semble-t-il, de toute la plénitude de mes moyens. Mais, encore une fois, suis-je bien éveillé? Ne suis-je pas plutôt le jouet d'une hallucination? Qui sait? Un vieux regain de fièvre avec un peu de délire. On dirait vraiment que ce diable d'homme lit dans ma pensée. « Je vois bien, dit-il, que tu doutes encore. Cela ne m'étonne guère. Les Européens ne veulent pas admettre ce qu'ils ne comprennent point. Méconnaissant ainsi, de parti pris, les forces infinies dont nous disposons. Que les employez-vous à la libération de votre patrie courbée sous le joug anglais? Patience. C'est juste. De quoi diable vais-je me mêler? Revenons à ces forces infinies. Où se disent-elles? Ne t'aperçois-tu pas que tous les animaux de la forêt se sont tus subitement quand tu essayais de secouer l'engourdissement provoqué dans ton bras par ma seule volonté? Je constate en effet que la clairière est plongée dans un silence de mort. Cela prouve simplement que les bêtes qui tout à l'heure miaulaient, chantaient, hurlaient, se trouvent effrayées par l'approche de l'orage. Non, c'est uniquement parce que je l'ai voulu. Tu prétends avoir magnétisé, en même temps que moi, tout un coin de la forêt vierge avec ses habitants. Pour être un joli fluide, c'est un joli fluide. Tu railles. Que dirais-tu si je rompais brusquement le charme? Romps d'abord ce que tu nommes le charme, et nous verrons. Comme s'il était persuadé qu'une force mystérieuse et infinie dût réellement émaner de lui. Mon interlocuteur se dresse lentement, lève la tête et les bras vers les arbres géants qu'il semble impérieusement solliciter, et demeure immobile pendant un quart de minute. Bientôt une puissante rafale que l'on entend accourir du fond de la forêt gronde à travers les cimes, s'approche, tordant les branches, arrachant les feuilles. Et soudain, la nocturne symphonie, exécutée par les hôtes des grands bois, reprend avec une telle intensité que nous en sommes tous assourdis. Samy, qui attend un mot, un geste, un simple regard d'admiration ou même d'étonnement, reste interdit devant la froideur de mon attitude. L'artifice, en effet, me paraît trop grossier, pour tromper même un voyageur brisé par la fatigue et l'insomnie, agité par l'orage et travaillé par la fièvre. Et je conclus. Samy, beaucoup plus nerveux encore que moi, et par cela même plus impressionnable aux variations atmosphériques, a senti venir de fort loin cette première rafale. Somme toute, qui veut trop prouver ne prouve rien, au contraire, et je doute plus que jamais de cette merveilleuse puissance des adeptes hindous, reconnue et proclamée hautement par les voyageurs les plus dignes de foi. Ne crois pas qui veut.